Bella, c'est Copina. Qui entre tôt, qui entre tard, il a toujours son verbina. Ça fait lever les yeux. Ma femme, ma femme, ma femme. Pakistani.